Chapitre 36 des Essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. Essais par Michel Ekem de Montaigne, livre 1, chapitre 36, du jeune Caton. Je n'ai point cette erreur commune de juger d'un autre selon que je suis. J'en crois aisément des choses diverses à moi. Pour me sentir engagé à une forme, je n'y oblige pas le monde, comme chacun fait, et crois et conçois mille contraires façons de vie. Et au rebours du commun, reçois plus facilement la différence que la ressemblance en nous. Je décharge tant qu'on veut un autre être de mes conditions et principes, et le considère simplement en lui-même, sans relation, l'étoffant sur son propre modèle. Pour n'être continent, je ne laisse d'avouer sincèrement la continence des feuillants et des capucins, et de bien trouver l'air de leur train. Je m'insinue, par imagination, fort bien dans leur place, et les aime et les honore d'autant plus qu'ils sont autres que moi. Je désire singulièrement qu'on nous juge chacun à part soi, et qu'on ne me tire en conséquence des communs exemples. Ma faiblesse n'altère aucunement les opinions que je dois avoir de la force et vigueur de ceux qui le méritent. Sunt qui nihil suadent, quam quod se imitari posse confidunt. Rampant au limon de la terre, je ne laisse pas de remarquer jusque dans les nues la hauteur inimitable d'aucunes âmes héroïques. C'est beaucoup pour moi d'avoir le jugement réglé, si les effets ne le peuvent être, et maintenir au moins cette maîtresse partie exempte de corruption. C'est quelque chose d'avoir la volonté bonne quand les jambes me faillent. Ce siècle auquel nous vivons, au moins pour notre climat, est si plombé que je ne dis pas l'exécution, mais l'imagination même de la vertu en est à dire. Et semble que ce ne soit autre chose qu'un jargon de collège. Virtutem verba putant, ut lucum ligna. Quam ureri deberent, etiam si percipere non possent. C'est un affiquet à pendre en un cabinet, ou au bout de la langue, comme au bout de l'oreille, pour parement. Il ne se reconnaît plus d'action vertueuse. Celles qui en portent le visage, elles n'en ont pourtant pas l'essence, car le profit, la gloire, la crainte, l'accoutumance, et autres telles causes étrangères, nous acheminent à les produire. La justice, la vaillance, la débonnaireté que nous exerçons lors, elles peuvent être ainsi nommées par la considération d'autrui et du visage qu'elles portent en public. Mais chez l'ouvrier, ce n'est aucunement vertu. Il y a une autre fin proposée, autre cause mouvante. Or, la vertu n'avoue rien que ce qui se fait par elle et pour elle seule. En cette grande bataille de Potidée, que les Grecs sous Pausanias gagnèrent contre Mardonius et les Perses, les victorieux, suivant leur coutume, venant à partir entre eux la gloire de l'exploit, attribuèrent à la nation spartiate la précédence de valeur en ce combat. Les Spartiates, excellents juges de la vertu, quand ils vinrent à décider à quel particulier de leur nation devait demeurer l'honneur d'avoir le mieux fait en cette journée, trouvèrent qu'Aristodème s'était le plus courageusement hasardé. Mais pourtant, ils ne lui en donnèrent point de prix, parce que sa vertu avait été incitée du désir de se purger du reproche qu'il avait encouru au fait des Thermopyles, et d'un appétit de mourir courageusement pour garantir sa honte passée. Nos jugements sont encore malades et suivent la dépravation de nos mœurs. Je vois la plupart des esprits de mon temps faire les ingénieuses à obscurcir la gloire des belles et généreuses actions anciennes, leur donnant quelque interprétation vile et leur controuvant des occasions et des causes vaines. Grande subtilité. Qu'on me donne l'action la plus excellente et pure, je m'en vois y fournir vraisemblablement 50 vicieuses intentions. Dieu sait à qui les veut entendre quelle diversité d'images ne souffre notre interne volonté. Ils ne font pas tant malicieusement que lourdement et grossièrement les ingénieux à tous leurs médisances. La même peine qu'on prend à détracter de ces grands noms et la même licence, je la prendrais volontiers à leur prêter quelques tours d'épaule pour les hausser. ces rares figures, et triées pour l'exemple du monde par le consentement des sages. Je ne me feindrai pas de les recharger d'honneur, autant que mon invention pourrait, en interprétation et favorable circonstance. Et il faut croire que les efforts de notre invention sont loin au-dessous de leur mérite. C'est l'office des gens de bien de peindre la vertu la plus belle qui se puisse, et ne nous messiérez pas quand la passion nous transporterait à la faveur de si saintes formes. Ce que ceux-ci font au contraire, ils le font ou par malice, ou par ce vice de ramener leur créance à leur portée, de quoi je viens de parler, ou, comme je pense plutôt, pour n'avoir pas la vue assez forte et assez nette, ni dressée à concevoir la splendeur de la vertu en sa pureté naïve. Comme Plutarque dit que de son temps, aucun attribuait la cause de la mort du jeune Caton à la crainte qu'il avait eue de César. De quoi il se pique avec raison, et peut-on juger par là combien il se fut encore plus offensé de ceux qui l'ont attribué à l'ambition? Sottes gens! Il eut bien fait une belle action, généreuse et juste, plutôt avec ignominie que pour la gloire. Ce personnage-là fut véritablement un patron, que nature choisit pour montrer jusqu'où l'humaine vertu et fermeté pouvaient atteindre. Mais je ne suis pas ici à même pour traiter ce riche argument. Je veux seulement faire lutter ensemble les traits de 5 poètes latins sur la louange de Caton, et pour l'intérêt de Caton, et par incident, pour le leur aussi. Or devra l'enfant bien nourri trouver, au prix des autres, les 2 premiers traînants, le 3e plus vert, mais qui s'est abattu par l'extravagance de sa force. Il estimera que là il y aura place à 1 ou 2 degrés d'invention encore pour arriver au 4e, sur le point duquel il joindra ses mains par admiration. Au dernier, premier de quelque espace, mais laquelle espace il jurera ne pouvoir être rempli par nul esprit humain. Il s'étonnera, il se transira. Voici merveille, nous avons bien plus de poètes que de juges et interprètes de poésie. Il est plus aisé de la faire que de la connaître. À certaines mesures basses, on la peut juger par les préceptes et par art. Mais la bonne, la suprême, la divine, est au-dessus des règles et de la raison. Quiconque en discerne la beauté d'une vue ferme et rassise, il ne la voit pas, non plus que la splendeur d'un éclair. Elle ne pratique point notre jugement, elle le ravit et ravage. La fureur qui espoinçonne celui qui l'a sait pénétrer, fière encore à un tiers à la lui ouïr traiter et réciter. Comme l'aimant non seulement attire une aiguille, mais infonte encore en Icelle sa faculté d'en attirer d'autres. Et il se voit plus clairement au théâtre que l'inspiration sacrée des muses, ayant premièrement agité le poète à sa colère, au deuil, à la haine et hors de soi, où elles veulent, frappe encore par le poète l'acteur et par l'acteur consécutivement tout un peuple. C'est l'enfilure de nos aiguilles suspendues l'une de l'autre. Dès ma première enfance, la poésie a eu cela de me transpercer et transporter, mais ce ressentiment bien vif, qui est naturellement en moi, a été diversement manié par diversité de formes, non tant plus hautes et plus basses, car c'était toujours des plus hautes en chaque espèce, comme différentes en couleurs. Premièrement, une fluidité gaie et ingénieuse. Depuis, une subtilité aiguë et relevée. Enfin, une force mûre et constante. L'exemple le dira mieux. Ovide, Lucain, Virgile. Mais voilà nos gens sur la carrière. Sit Cato, dum vivit, sane vel caesare maior. Dit l'un. Et in victum devicta morte Catonem. Dit l'autre. Et l'autre, parlant des guerres civiles d'entre César et Pompeius, « Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni. » Et le 4e, sur les louanges de César, « Et cuncta terrarum subacta, praeter atrocem animum Catonis. » Et le maître du cœur, après avoir étalé les noms des plus grands Romains en sa peinture, finit en cette manière « His dantem jura Catonem. » Fin du chapitre 36.